Chapitre 2. Comment fut vengé Louis d'Orléans et qui paya pour tous princes et princesses. L'impopularité de Louis était telle que Charles VI n'osait poursuivre les assassins. Paris tenait pour le duc de Bourgogne. Celui-ci le savait bien, et il ne prit que le temps nécessaire pour lever une armée et marcher sur Paris. Les habitants de la capitale lui ouvrirent les portes et l'accueillirent avec des transports de joie. Charles n'osa rien dire. Le duc fit faire publiquement l'apologie de son crime par un cordelier nommé Jean Petit. Le roi eut la lâcheté de lui accorder des lettres d'abolition ou de grâce, portant défense de l'inquiéter, lui et ses descendants. La reine et les princes, ne se trouvant plus en sûreté, quittèrent Paris, laissèrent au duc la place libre pour gouverner le royaume et le roi. Nous n'entrerons point dans les détails de l'histoire politique, mais nous ferons remarquer toutefois que de ces aventures galantes, déjà fécondes en meurtre, sortit la guerre civile et que le peuple, lui, qui n'avait point trempé ses lèvres aux coupes d'or de l'hôtel de Bourgogne, qui n'avait point été défait du duc Louis d'Orléans, fut de la partie lorsqu'il y eut de la misère à souffrir et des coups à recevoir. Souffrir et se battre pour les querelles des princes, c'est son affaire. Quand ses seigneurs s'amusent, il lui en revient toujours quelque chose. Mais quittons ces réflexions moroses et revenons à la querelle de Jean sans peur et des Valois. Vous pensez bien qu'elle n'était pas éteinte, et qu'Isabeau de Bavière, retiré en province avec le jeune dauphin, ne devait pas élever celui-ci dans l'amour du duc de Bourgogne. Cependant, celui-ci convolait un nouveau mariage et épousait la fille de Louis III, duc de Bourbon. Très beau mariage. Mais, comme dit Brantôme, possible qu'il n'en parât que le marché, car tels gens sujets aux cornes, ils ont beau changer de chambre et de repère, ils y en trouvent toujours. De fait, il n'eut pas pour sa seconde femme le même amour que pour la première, car il aimait celle qui l'avait empoisonnée, et il ne tarda point à se lier intimement avec la dame de Giac. Malheureusement pour lui, il apportait dans ses liaisons tout le sérieux de son caractère. C'était un homme passionné et qui se forgeait des chaînes où son cousin se fut contenté d'un lien de fleurs. Ce fut ainsi que la dame de Giac exerça sur lui un empire absolu. Les gens légers se dérobent à la puissance des femmes. Les gens passionnés et sérieux, jaloux de leur conquête, sont les esclaves de leur passion et le jouet de leur maîtresse. La reine Isabeau le savait bien, elle qui n'avait plus rien à apprendre en matière de galanterie. De loin, elle suivait avec attention le duc son ennemi, l'épiant dans sa vie privée et y cherchant le côté faible où elle pourrait le frapper. 10 années s'étaient écoulées depuis l'assassinat de la rue Barbette. À plusieurs reprises, les deux parties s'étaient prodiguées les protestations d'amitié. En 10 ans, une affaire d'intérêt peut se terminer, mais il n'en est pas de même d'une affaire de passion, et Jean sans peur devait se tenir sur ses gardes tant que la mort de sa victime n'était pas vengée. Dans le courant du mois de septembre 1419, sur le conseil de son âme damnée, Tanguy du Châtel, Isabeau fit proposer au duc de Bourgogne une entrevue avec le dauphin. Le duc refusa. La reine ne renonça point à son projet. Mais comment arriver à changer la résolution de Jean sans peur? Qui pourrait avoir assez d'influence sur lui pour dissiper sa sage méfiance? Elle songea à la dame de Giac. La dame était coquette et vaniteuse. Elle serait flattée d'être sollicitée par une reine et de jouer ainsi un rôle politique. Puis sans doute serait-elle séduite par la perspective de prendre part aux fêtes qui suivraient l'entrevue. Tanguy se chargea de reprendre la négociation et de faire de la dame de Giac une Dalila nouvelle. La reine n'épargna point les riches présents, les bijoux, les parfums rares et ses cosmétiques dont les secrets étaient recherchés à cette époque avec autant de superstition que de coquetterie. La dame vivait à Paris, dans un petit hôtel, sans étaler le luxe insolent que se permettent d'habitude les favorites des princes. Elle était surveillée de très près, le duc était jaloux et ne croyait qu'aux vertus bien gardées. Mais Tanguy était plus propre que personne à l'intrigue dont il s'était chargé. Aussi, comme l'ogre qui sentait la chair fraîche, mais à qui elle restait cachée, le duc sentit bientôt l'intrigue autour de lui et dissimula difficilement ses soupçons et sa jalousie. Il venait d'accéder à la demande du dauphin et convenir d'une entrevue qui devait avoir lieu sur le pont de Montereau, mais à peine sa parole donnée, il la regretta et le dauphin se trouva seul au rendez-vous. Jean, indigne cette fois de son surnom, s'avança jusqu'à Bray-sur-Seine et s'arrêta. Il eut peur. En vain, on lui dépêcha courrier sur courrier. Tanguy se rendit 2 fois près de lui pour le prier de tenir sa parole. Il répondit par des propos évasifs, un pressentiment secret, dit l'histoire, mais sans doute quelque avertissement plus positif, le retenait encore. Il devint sombre, inquiet. Cette humeur taciturne effrayait ceux de sa cour qui avaient prêté une oreille complaisante aux émissaires du dauphin. En définitive, il n'était pas bien sûr que ce dernier ne tramait point quelque perfidie. Quant à la dame de Giac, prenant le change sur l'air assombri de son terrible amant et l'imputant à la jalousie, elle se rappelait la mort subite et inexplicable de la duchesse de Bourgogne. « Je pressens quelque chose de funeste ici, » lui avait dit le duc à son retour de Bray-sur-Seine. « La trahison rôde autour de moi. » La favorite pâlit. Elle se crut accusée, mais elle attendit qu'il s'expliquât. Sur ces entrefaites, Tanguy vint la voir. Elle lui fit part des soupçons de gens sans peur et des craintes qu'elle éprouvait. « Je ne viens pas vous parler d'autre chose, madame, » répondit Tanguy. « Vous savez combien il est violent et dissimulé. Souvenez-vous de Marguerite, sa première femme. Il venait de rire et de plaisanter avec elle. Il avait présidé à sa toilette et la félicitait de sa beauté. Quelques heures plus tard, elle était morte. « Oui, je sais, » fit madame de Giac, pensive. « Et qu'a-t-il dit de moi ? Rien de précis. Vous savez qu'il ne parle pas volontiers. Des mots vagues, dits avec une intention menaçante. Je viens donc ici pour la première fois, car je ne voudrais pas attirer sur vous sa vengeance. « Oh ! » s'écria madame de Giac, « ne m'en dites pas davantage. Depuis quelques jours, je ne dors plus. La nuit, je tressaille au moindre bruit et crois voir entrer des assassins. À mes repas, j'ose à peine toucher au mets que mon maître d'hôtel a goûté devant moi. » Est-ce donc là le bonheur promis par l'amour d'un grand prince ? « Il ne faut pas qu'un grand prince, reprit Tanguy, donne tout son temps au service des dames. La politique ferait une utile diversion à la jalousie du duc, et il est de votre intérêt de lui persuader de venir à Montereau. » « Oui, sans doute, mais d'autres lui disent qu'il montrerait ainsi trop de confiance et même qu'il y va de sa vie. » « Eh bien, fit vivement Tanguy, c'est une affreuse calomnie, mais s'il en était ainsi, vous en seriez bien délivré. » Lorsque le duc vint dans la soirée, selon son habitude, madame de Giac se souvint du conseil et des dernières paroles de Tanguy. Elle amena la conversation sur le projet d'entrevue. « Souffrirez-vous, lui dit-elle, que l'on dise à Paris que vous avez peur ?»« Moi, avoir peur ?» se récria le duc. « Ah, vous n'en croyez rien !» Et il se décida. Ce que n'avaient pu obtenir les plus habiles diplomates, une femme l'obtint. On sait ce qui en résulta. Le 10 septembre 1415, le duc de Bourgogne se rendit au pont de Montereau, sur lequel il devait rencontrer le dauphin. Il n'était accompagné que de 6 chevaliers. Il aborda et salua respectueusement le jeune prince, et presque aussitôt il tomba sous les coups de plusieurs assassins. On ignore le nom de celui qui le frappa le premier. Tanguy du Châtel fut le second. Il renversa le duc d'un coup de sa hache d'arme. Un troisième l'acheva en lui enfonçant son épée depuis le bas-ventre jusqu'à la gorge. Le dauphin se saisit des équipages de sa victime et d'une partie de ses richesses qu'il distribua à Tanguy et à ses complices. Assassinat suivi de vol. « On n'est pas plus grand prince, »